Jesus. Yeah, this is Napalm Beat. J'avais trois boulettes, des feuilles dans le jean. Okay. Je viens des quartiers sous Marseille que tu vois la nuit sur les reportages. J'ai la frappe de casse, c'est le chef chez Wayne, c'est le pur qui vient des collines. Attends, je te bille pas pris, y'a les chemises qui pigent de la friture sur le portable. Okay. C'est la haine au check, y'a tous les pieds qui squattent, y'a tous les pieds qui voient qui tartinent. Faut la fraîche, le beau père allemand, la méchante villa, le double platine. Okay. J't'avais dit frérot, qu'on traverse sur la nationale en Aston Martin. Il reste plus des guerres au quartier, j'suis passé l'autre fois, tout le monde est parti. Hier soir j'ai tout décuvé sur la cuvette. Wesh t'as compris mon poteau, j'suis en fumette. Wesh t'as compris mon poteau, j'suis en fumette. Envoie les lunettes. En fumette. En fumette. En fumette. En fumette. Wesh t'as compris mon poteau, j'suis en fumette. J'suis choqué ce soir, j'ai fait près du fois à l'hexagone. J'fais l'autre marque Piggy Royal au cadran en carbone. C'est le fond de l'asile, l'usine, mon pote, ça charbonne. Elle a mis la veste, j'y vends, j'suis le jean, elle est bonne. J'suis en fond de si j'suis à balle, ceinture détachée. J'fais la course de l'IRS et j'ai trop fait cracher. Reste tranquille, ça c'est pour mon deck, j'touche pas la machin. J'suis pas de kill d'euro de gofa, ça t'appelle machin. Hier soir j'ai tout décuvé sur la cuvette. Wesh t'as compris mon poteau, j'suis en fumette. Wesh t'as compris mon poteau, j'suis en fumette. Envoie les lunettes. En fumette. En fumette. En fumette. En fumette. Wesh t'as compris mon poteau, j'suis en fumette. Ok, Voltaire Temel, tu vas me faire fumer. Ok, Manu.